C'est qui ça, Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale, qui veut faire fermer Radio X? Il n'a pas juste dit ça d'un souper entre prétentieux sur le plateau de Québec. Après là. Trois verres de vin. Parce que ces gens-là, évidemment, quand ils sont dans leur dans le privé, imaginez ce qu'ils disent sur Radio X, quand ils demandent en plein Parlement au gouvernement de fermer Radio X. Faut le faire. Ça, c'est Alexandre Turgeon qui a fait ça hier dans une commission parlementaire sur un pipeline, le projet d'Enbridge, OK? Il est en commission parlementaire, entre autres, avec Scott McKay du PQ, et il a affirmé le plus sérieusement du monde que le gouvernement du Québec devrait fermer les radios d'opinion à Québec. Les radios parlées à Québec, surtout Radio X. Je vais vous rappeler un peu qui est Alexandre Turgeon, parce que si je vous dis le nom comme ça, c'est sûr que ça vous dit pas grand-chose, là. Alexandre Turgeon, on lui a parlé à la fin de l'été dans le dossier de la côte Gilmore. Souvenez-vous, là, Harper qui arrive à Québec, qui monte la côte main dans la main avec Régis Labeaume, puis on annonce l'ouverture de la côte Gilmore en hiver. Lui, il était pas content. C'est sûr, c'est un enverdeur, là. Ils sont pas contents de ça parce que ça simplifie la vie des automobilistes. Eux autres veulent écœurer le monde qui roule en char. Lui, il disait que la réouverture l'hiver, l'ouverture l'hiver de la côte Gilmore, ça a augmenté de manière exponentielle le nombre de véhicules dans la ville de Québec. Puis lui, ça allait tout chambouler, là. C'était pas mal les propos qu'il avait. Écoutez ce brillant personnage qui avait d'autres arguments aussi pour nous expliquer que des chars, là. Ça en prend moins sur les routes à Québec. Écoutez l'argument tellement intelligent et tellement brillant d'Alexandre Turgeon, le gars qui a demandé hier à des politiciens de fermer des stations de radio à Québec. Promène-toi sur l'autoroute, là. Combien de fois tu dis, tu regardes la personne qui conduit en avant de toi, là, puis tu es capable de déterminer son âge par sa façon de conduire, c'est pas non plus un mode d'organisation des transports qui est fait pour une population qui est de plus en plus vieillissante. Attendez un peu, là. Il y a trop de vieux sur les routes, fait qu'il faut arrêter d'avoir des chars. C'est ça que vous venez de dire, là? Mais il va en avoir de plus en plus. Ouais. Voici un autre argument. Tu sais, quand les enverdeurs sont à court d'arguments, le vieillissement de la population, selon Alexandre Turgeon, c'était aussi une raison pour diminuer le nombre de véhicules à Québec sur les routes. Faut-tu être déconnecté? Et ce gars-là, alors que Scott McKay a fait une farce à l'air hier en commission parlementaire, une farce sur les voies réservées, une genre de boutade selon ce qu'on décrit dans les journaux, ben c'est à ce moment-là que Alexandre Turgeon a dit « Si vous aviez des pouvoirs en matière de radiodiffusion, je vous dirais de fermer le 93 et Choix Radio X à Québec. Je pense que la société québécoise s'en porterait mieux, même si Radio-Canada ne pourrait pas se payer leur tête le vendredi soir. » Ça fait Corée du Nord pas mal, ça, hein? Non, c'est loufoque, ça n'a pas de sens. Dans quel genre de pays des gouvernements ont le pouvoir de fermer des stations de radio pour des opinions différentes? Quoique, ça a déjà passé proche, ça, hein? Ça a déjà passé proche au Canada aussi, là. On va faire attention à ce qu'on dit, parce que même au Canada et au Québec, ça a déjà passé un cheveu, là. Déjà des stations qui ont fermé pendant 6 mois parce qu'ils jouaient pas assez de musique francophone, c'est déjà arrivé. Puis la station que vous écoutez a déjà failli fermer également parce que on avait un discours un petit peu différent. Par contre, la station que vous écoutez en ce moment, on a eu carte blanche de pas mal tout le monde. Fait que j'ai bien l'impression que les propos qui sont tenus ici, à part une coupe justement dans le plateau pendant un souper que les oreilles leur frisent, là, en général, ça va plutôt bien. Faut le faire, dire des choses comme ça dans un pays démocratique. En tout cas, Alexandre Turgeon, qui représente, je le rappelle, le Conseil régional de l'environnement de la région de Québec. Êtes-vous fier de ça, ses collègues, là? Êtes-vous fier de ses propos? Est-ce que vous supportez ses propos où il demande carrément de fermer des stations de radio? Puis tu sais, il dit pas ça dans un petit souper de prétentieux, de petits doigts à l'air, là. Imaginez ce qu'il dit sur nous autres. Quand il est capable de dire une énormité comme ça à l'Assemblée nationale, imaginez ce qu'il pense pour vrai, là. Imaginez ce qu'il dit sur les radios que vous écoutez, sur la radio numéro 1 à Québec, avec 311 000 auditeurs. C'est tout le temps ça qui me choque là-dedans. C'est que moi, qu'on attaque Radio X, je te dis pas que ça me fait plaisir, mais qu'on attaque 311 000 personnes à Québec de cette façon-là, là, ça, c'est de dire à 311 000 personnes, vous êtes toutes des imbéciles. Vous comprenez écoutez pas. Ça, vous avez pas compris. Puis justement, il est question... Ah oui, puis hey, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça quand ils prennent ces termes-là. C'est que lui puis Scott McKay, là, il parlait de façon de faire de l'éducation populaire en ce qui a trait aux voies réservées. Ils veulent faire de l'éducation populaire parce que vous avez pas compris. Vous êtes sur Henri IV à matin, là, vous êtes dans le trafic, là. Vous êtes trop cave. Puis vous pensez qu'on n'a pas besoin de vous voir réserver pour les autobus sur Henri IV. Ben, c'est parce que vous êtes cave. C'est parce que vous avez rien compris. C'est ça qu'ils pensent de vous autres, ces gens-là. Ils veulent faire de l'éducation populaire. Eux autres sont au-dessus de la masse, là. Puis eux autres, ils roulent en char. En passant, Alexandre Turgeon nous l'avait dit que lui, il n'avait un char. Scott McKay, je sais pas, j'ai pas vérifié, là. Mais tu sais, eux autres sont au-dessus de la masse, là. Puis ils vous regardent de haut. Et eux, ils savent ce qui est bon pour vous, là. Puis ils veulent faire de l'éducation populaire. Ils veulent vous faire comprendre que vous avez rien compris, finalement. Là. Ah, vous, les gens de la banlieue, hein? Ouais, c'est ça. Puis ce qu'ils comprennent pas aussi, c'est que souvent, vous avez pas le choix de prendre votre voiture là, pour aller travailler le matin. C'est pas parce que vous voulez détruire l'environnement et détruire la planète que vous prenez votre char. Vous voyez ce qu'ils pensent de vous autres, ces gens-là? Il parle d'appel à la violence automobile. La violence automobile. Sérieux, là? Si quelqu'un peut me trouver un extrait où on dit à quelqu'un de faire de la violence automobile, là, bonne chance. Bonne chance pour trouver un seul extrait où on encourage ça ici, là. Bonne chance, parce qu'il a dit ça aussi, là, qu'on encourageait à faire de la violence automobile. Comme si c'est notre, comme si c'est nous autres qui disons au monde de faire des fingers aux chauffeurs d'auto. C'est le contraire, on les a dénoncés. Combien de fois depuis une semaine on a dit que c'était des imbéciles qui faisaient ça? Combien de fois depuis une semaine on a dit que c'était des caves qui faisaient des fingers puis qui bloquaient les autobus? Tu sais? Depuis quand le monde a besoin de la radio pour être débile? Ça, c'est l'autre affaire, là. Un cave, ça n'a pas besoin d'encouragement. C'est capable d'être cave tout seul. Exactement, exactement, exactement. Merci à l'auditeur qui nous suggère. Il dit, on pourrait-tu fermer des comités inutiles à la place? C'est un peu vrai, hein? Moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'argent qui est dilapidé dans ces affaires-là. Puis tu sais, on part 40 000 comités pour le même projet. On fait semblant qu'on travaille tous ensemble. Et tout ce qu'on veut, c'est justifier notre existence puis avoir des sous au bout du compte, là. Ouais. C'est, je suis pas sûr que c'est la manière la plus efficace de travailler. Il a déjà travaillé au PQ, apparemment, lui, Alexandre Turgeon. Là, on nous dit qu'il a déjà été, je vous dis ça sous réserve, a déjà été attaché politique du député Jean-François Simard, semble-t-il, à l'époque. Je vous dis ça sous toute réserve. Des auditeurs qui nous racontent ça comme quoi on parle d'un gars qui est probablement un petit peu plus proche qu'on pense du Parti québécois qui nous gouverne actuellement. 8h05 dans le show du matin. On vous salue si vous êtes sur Henri IV dans le trafic. Vous avez rien compris. Vous avez besoin d'éducation populaire et surtout, surtout, surtout, on devrait fermer les radios d'opinion au Québec. Le show du matin avec Denis Gravel et Jérôme Landry. Radio X. Dupont. Le midi. Dupont. Steve Dupont.